un jardin dans la cour. Là où il n'y avait que des pierres, t'as dégagé les fleurs autour. Pour qu'elles s'étirent dans la lumière. Avec tes mains l'eau du ruisseau, tu fais un nid dans la clairière. T'as mis du printemps dans l'hiver. Sur le lit, le ciel et la mer. Tu touches les fruits, les mots, la mélodie douce à ta bouche. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce qui émane de toi, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie. Avec ton rêve, on voit le bleu. Assis au quai des jours heureux. Avec ceux qui ont le cœur gros. Tu sais trouver les mots qu'il faut. Jusqu'où va ton sourire quand il devient éclat de rire? Des mains mariées, bouquets de fleurs, comme sur la toile de Chagall. Que tu touches les fruits, les mots, la mélodie douce à ta bouche. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce qui émane de toi, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie, c'est plein de vie. La la.